Le lundi 31 octobre, ici Dominique Lelièvre pour les informations. Le Québec accueillera la première chaire mondiale de lutte à la radicalisation. La ministre des Relations internationales, Christine Saint-Pierre, en a fait l'annonce ce matin aux côtés de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. La chaire aura pour objectif de mieux comprendre les causes de la radicalisation chez les jeunes et de trouver de nouvelles pistes de solutions. La ministre Saint-Pierre s'est réjouie de la mise en valeur de l'expertise québécoise. En la matière, rappelons que quelques 400 experts issus de 70 pays sont réunis jusqu'à demain à Québec dans le cadre d'une conférence de l'UNESCO sur la radicalisation des jeunes sur le web. Le journaliste Patrick Lagacé se dit scandalisé d'avoir été espionné. C'est présentement le deuxième sujet le plus tweeté au Québec. L'information a également intéressé le lanceur d'alerte Edward Snowden. Le quotidien La Presse révélait ce matin que son journaliste vedette a fait l'objet d'une surveillance de la part de la police de Montréal. Patrick Lagacé a fait l'objet plus précisément de 24 mandats de surveillance entre janvier et juillet 2016. Le SPVM a eu accès aux métadonnées de son téléphone intelligent, comme le numéro et le nom de ses interlocuteurs. Les policiers ont aussi eu accès à ses allées et venues grâce à la fonction GPS de son téléphone. L'espionnage du journaliste aurait été demandé par le service des enquêtes spéciales du SPVM dans le cadre du projet ESQUAD qui vise à trouver les responsables de fuites au sein du service de police. Patrick Lagacé a souligné que la protection des sources est un principe essentiel et reconnu par les lois canadiennes. Le candidat à la chefferie de Démocratie Québec, François Marchand, est passé à l'attaque ce matin à l'endroit du maire Régis Labeaume. L'avocat a réagi à l'analyse des données de circulation présentées vendredi dernier par la ville où le maire a pris position en faveur d'un troisième lien dans le secteur ouest. François Marchand a accusé le maire de faire preuve d'opportunisme et souligné ses déclarations contradictoires dans ce dossier. Au journal Le Soleil, le candidat émet des craintes quant à l'étalement urbain dans la ville de Québec. Il doit présenter sous peu ses propositions en matière de circulation et de transport. Un mot enfin sur la scène internationale. La course à la présidence aux États-Unis s'annonce plus serrée que prévu à 8 jours du scrutin. Un sondage publié lundi crédite Hillary Clinton d'une avance de seulement 3% à 42% dans les intentions de vote contre 39% pour Donald Trump. Le scénario d'une victoire reste néanmoins plus compliqué pour le candidat républicain, étant donné que ses appuis se trouvent dans des États conservateurs où il y a moins de grands électeurs. À la météo, il fait 6 degrés cet après-midi. Il fera 6 degrés cet après-midi à Québec avec un ciel partiellement couvert. Ce soir, pour la tournée de l'Halloween, c'est dégagé avec des températures qui vont descendre progressivement. On part de 3 degrés vers les 18 heures jusqu'à moins 1 degré en fin de soirée. Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 degrés. Mercredi, 60% de probabilité d'averse avec 13 degrés. Présentement à Québec, on a 4 degrés.